chaîne qui rêve au pays chaud. Moi je mange quand je suis tannée, moi je mange comme un bébé, moi je mange quand je suis heureuse, moi je mange quand je suis nerveuse, moi je mange. Mais il y a des jours où je suis fatiguée, je peux plus monter l'escalier, je peux plus aller travailler, je vois même plus le bout de mes souliers. Tout le temps, moi je mange. Il y en a qui font de l'artisanat, moi je mange. J'ai pas le temps de m'occuper de ça, moi je mange. Et j'ouvre mon radio et je me fais un bon snack. J'écoute Ginette Renault, puis je mange du Cracker Jack. Mais il y a des jours où j'en ai assez. Alors bonsoir tout le monde, vous êtes bel et bien à 70%, l'émission de ceux qui donnent le strict minimum. On est en studio ici avec notre invité Jean-Louis Témis, qui a la même coupe de cheveux que moi. Et puis ben, tout le monde est en train de se préparer. Pour l'instant, on va laisser Simon faire sa traditionnelle ouverture officielle de l'émission dans son super gros hit. En fait, c'est son plus gros hit chanté à date, hein Simon? Il est content. Oh pardon, j'ai pas ouvert ton micro encore. Ouais, je suis content. C'est bien de bon sens. C'est vrai, hein? Moi, aujourd'hui, j'ai des séquences de American Ninja 2. On va également rappeler une couple de fois le fait qu'on a des visionnements ici dans les studios de Choc après l'émission de 70%. On a également Jean-Louis Témis, duquel Simon va plutôt nous informer plus en profondeur. Tout à fait. Il y a une bio qui s'en vient, oui. Bon, ben, c'est parfait comme ça. On va le laisser finir de chanter, puis après, on s'en repart. 70%, c'est surtout Simon. Simon, il est bon. C'est lui le patron. Simon, Simon, Simon, Simon. Ah oui, moi, Simon. Simon saumon, c'est moi le poisson. 70%. Oh oui, il n'y a pas à sortir de là. C'est 70%, c'est officiel. On est lancé là-dedans jusqu'au cou. Peut-être pour commencer, pendant que nos amis se mettent à l'aise, est-ce qu'on est prêt pour une petite bio? Ou? Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, Jean-Louis Témistocle, Randriantina, pardon, est cuisinier à Montréal et originaire de Madagascar. Il est malgache. Il se donne pour mission de répandre le plaisir par le biais de la nourriture, n'est-ce pas? Excusez-moi. Très bien dit. Alors, respecté par ses pairs qu'il considère comme un iconoclaste, il se définit comme étant un cuisinier animateur fantaisiste. Alors, Jean-Louis Témis prêche et diffuse la vertu de la bonne nourriture, pardon. Il enseigne, fait des émissions de télévision, de radio, des chroniques dans les magazines et les journaux. Jean-Louis Témis écrit des livres, donne des spectacles, publie des chansons, des albums, donne des conférences. Il est présent dans presque tous les événements gourmands, la guitare dans une main et les couteaux dans l'autre. Il sillonne tout le Québec et le monde, allant là où la nourriture peut panser les cœurs et le ventre. Monsieur Témis, merci d'être avec nous. Quelle description extraordinaire. Mais oui, puis il a trouvé du temps dans son horaire pour venir nous voir. Monsieur Témis, évidemment, on a un gros paquet de questions à vous poser aujourd'hui. Tout d'abord, merci d'être venu. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Et c'est ça, vers le milieu, fin années 70, vous sortez de l'école, l'école culinaire, vous opérez un restaurant qui s'appelle l'Île de Madagascar, ainsi que l'Exotique, n'est-ce pas? Voilà. La cuisine traditionnelle, les créations du chef composent une carte dont la presse gastronomique canadienne et américaine encense. Oh! Vous avez fait des belles recherches, mon cher Simon. Ben oui, puis il sort des mots assez compliqués. Aïe, aïe, aïe, aïe. Vos établissements ont été fréquentés par Pierre-Éliott Trudeau, Julien Clerc, Serge Lama, Sting. Mon ami est un très grand fan de Sting. Ben, cool. Je lui en glisserai un mot. Sa prochaine visite, excellent. Ouais, s'il veut venir à 70%. Ouais, il va venir. On va peut-être trouver un moment. Mais bon, Danny Glover aussi, des... Little Weapon, l'arme fatale. Jean-Pierre Ferland, Gilles Vigneault, Robert Lepage, Alain Choquette, Marie-Soleil Touga et plusieurs autres. D'où vient votre passion pour la cuisine, Monsieur Témis? Ça, je pense qu'on tombe dedans. J'étais jeune, j'étais à Madagascar, puis j'avais une mère qui était très maladive. OK. Et je suis l'aîné de six frères et sœurs. Et alors, quand maman était à l'hôpital, c'était chacun son tour de faire à manger. C'était, une fois, c'était mon père, des fois, c'était une tante. Et quand c'était mon tour, mes frères et sœurs disaient « Waouh, c'est mieux que papa et ma tante !» Puis je pense que j'ai développé ça. Puis quand il y avait des parties, quand on était jeunes, vous savez, habituellement, c'est des... On dit, bon, les filles amènent la bouffe, et puis les gars amènent la boisson. On se dit, non, c'est moi qui amène la bouffe, et puis les filles amènent la boisson. Déjà, alors, on allait à l'encontre des déjà, traditions. J'étais contre-sens. Je voulais déjà me démarquer. Ben, c'est une bonne attitude, ça. Et donc, alors là, j'avais des amis quand à Madagascar. Bon, j'étais dans une école, il y avait des fils de consuls de France, d'Italie. Mm-hmm. Qui disaient à leurs parents, hey, on a un gars à l'école, c'est un copain à nous. Si on veut manger malgache, il est capable de le faire. Mm-hmm. Fait que les parents m'invitaient, puis j'allais faire des plats malgaches chez eux. Puis ils m'ont conseillé de faire une école hôtelière, parce qu'à Madagascar. Ça, c'est en France. Ça, c'est à Madagascar. Okay. Je ne connais pas la France, moi. OK, mais vous parlez de consuls, OK. Des consuls de France, là-bas. Okay. Là. Okay. Donc, je faisais à manger pour les consuls d'Italie, consuls de France, consuls de l'Allemagne. Mm-hmm. J'avais quoi, 14, 15 ans. Puis eux, ils m'ont dit « Waouh, t'es bon !» Je dis « Ben, je sais !» Évidemment. À quoi peut ressembler la cuisine malgache? La cuisine malgache, elle est très métissée. OK. Bon, elle reflète un peu aussi l'histoire, le peuple malgache, qui est un peuple qui est assez métissé. Mm-hmm. Donc, il y a eu des Malais, il y a eu des Arabes, des Africains, des Anglais, des Français. Des Indiens, des Chinois. Des Chinois. Alors, la cuisine malgache, on va retrouver ça. On va retrouver des rouleaux de printemps, un peu comme chez les Asiatiques font. On mange beaucoup de riz. On est probablement un des peuples les plus gros mangeurs de riz au monde. 5 à 6 fois par jour, des fois, de riz. Oh boy, on a des samoussins qui ressemblent un peu à des petits pâtés indiens. Et donc, il y a eu beaucoup de Malais à Madagascar. En fait, c'est une des premières grosses émigrations au 13e ou 12e. Malais. La Malaisie. Ok, ouais, ça voyageait loin, ces gens-là. Alors, c'est ce qui explique un peu aussi les traits des gens, les traits à Madagascar. Les gens, et là, il y a des gens qui ont des traits asiatiques, il y a des traits plutôt africains, il y en a qui sont beaucoup plus pâles. Puis alors, la cuisine reflète toute cette réalité-là. Donc, une cuisine riche. Riche, délicieuse. Parfait. Probablement une des meilleures au monde. Tout en variété, c'est bien, ça. Est-ce qu'il existe toujours des restaurants malgaches à Montréal? Pas à ma connaissance. Je pense que le seul qui a parti ça, c'était moi. Et puis, bien, c'est mort en même temps que moi, là. Bon. Ah, peut-être qu'il y a une case à remplir à quelque part en ville. Le message est lancé. S'il y a un financier, là, s'il y a quelqu'un qui a du cash qui nous entend, moi je serais prêt à financer. Peut-être que l'aventure me retenterait là. Oh, ah oui, des fois j'ai la piqûre là. Parce qu'en ce moment, vous enseignez à l'ITHQ, à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. C'est ça. Et comme j'ai dit, plusieurs chroniques un peu partout. Bon, en 80, j'ai eu. Bon, le premier restaurant, on l'a eu de. Quand je dis on, c'était avec mon épouse. On l'a eu de 79 à 81. Ça s'appelait l'île de Madagascar. Après, on a ouvert un petit restaurant entre-temps qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Au lac mégantique, toi. Oh, ah oui? C'était cru en Simonac. Mais on a eu du fun. Mais dites-moi, OK, vous êtes marié? Ouais. Qui fait la cuisine à la maison? Là, c'est moi. Okay, c'est moi, parce que... Puis en fait, mon épouse est décédée au mois de janvier. Oh, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est des choses qui arrivent, vous ne saviez pas. Mais Lucie, qui était une Québécoise, elle faisait... Quand on s'est marié, elle ne connaissait pas faire à la cuisine. Elle ouvrait des cacanes de sardines, puis du thon. Mm-hmm. Puis la seule cuisine que je lui ai montrée, en fait, c'est la cuisine malgache. Puis je pense qu'à la fin, là, elle savait faire mieux la cuisine malgache que moi. Ah oui? Ah ouais. Oh, c'est pas mal. Votre plat favori? Mon plat favori, c'est des crevettes au lait de coco. Ouais. Ça vous donne le goût. C'est pas mal bon. Ça, on retrouve ça. J'ai déjà vu ça dans un restaurant thaïlandais. C'est très similaire. C'est très asiatique. En effet. Le problème, c'est que mon chat, qui est décédé il n'y a pas très longtemps non plus, mais à l'âge de 24 ans, vénérable quand même. 24 ans, votre chat? Oui, on parle d'un chat. Je l'ai eu, j'avais 7 ans. Et en 82. Et puis, ben, en fait, son nom, c'était Coco. Alors, moi, quand on me demande de manger des choses qui sont dans le lait de coco, je peux pas. Ça me. Ça. T'es comme un. Ça me... Ben, je vais les prendre. On va se les partager. Au lait de coco. Okay. Mais on a coutume, excusez-moi, on a coutume de prétendre que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Est-ce que vous mangez bien? Très bien. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Ah, ce matin, sérieusement, j'ai mangé du riz. Du riz. À 6h30 du matin, j'ai mangé, c'est très traditionnel, c'est du riz avec des légumes verts. Okay. On appelle ça des breads. En fait, tout, les breads, là, c'est pas du bread comme du pain, là, c'est vraiment B-R-E, accent grave, D-E-S. C'est tous les légumes verts qu'on fait cuire, comme le cresson, okay. les épinards, tous les bok choy, les napas, les légumes chinois. Oui. Et ça, on fait comme une grosse bouillie. On fait cuire du riz avec ces légumes-là, avec du gingembre. Un bouillon de poulet, puis un morceau de bœuf. Et ce matin, je vous jure que j'ai mangé ça, ça donne bien. Ah ouais? Parce qu'il y a des matins que je mange pas en tout. Pour vrai? Ouais. Ah non, c'est pas bien. Des fois, des toasts avec du beurre de pinot. J'ai une autre bonne question. Enfin, moi, je la trouve bonne. À quand remonte votre dernière poutine? Oh! Je pense que la poutine, là, j'y ai goûté pour la première fois il y a 4 ans. Puis ça a arrêté là. Pour vrai? Sérieux. Mais ça fait quoi? Ça fait une trentaine d'années, vous êtes au Québec? Ouais. Mais je sais pas, ça m'a jamais attiré. Ah non? Mais, ouais, je crois qu'il y a un chef assez connu qui en fait au foie gras maintenant. Martin Picard. J'ai pas encore été manger sa poutine. À chaque fois que j'étais, bon, j'ai mangé autre chose, mais ça, oui. Parce que je sais qu'il prend un bon fond brun avec des petits cubes de foie gras sautés. Hey, non, chez moi, j'ai bonne frite. Je pense qu'il est frit à au gras de canard, truc comme ça. Ça doit être écœurant. Rien qu'à entendre la description, là. Oui, peut-être ce soir. Tiens. Et quand on dit écœurant, c'est dans le sens québécois. Dans le sens terme. Québécois. Tout à fait. Oui, il a l'air assez bien adapté. Hein, moi, j'ai une question. Après 35 ans, là, si ça n'a pas adapté, là, j'ai un problème. C'est là qui gagne la coupe. C'est qui gagne la coupe? C'est qui gagne la coupe? J'ai pas suivi depuis que les Canadiens ont perdu. Ah, ben, c'est une bonne attitude de bon Montréalais. C'est parfait. Depuis que les Canadiens ont perdu, là, j'ai switché ça. C'est très Montréalais, en effet. Moi, je vais prendre le contrôle des ondes un petit peu. Oui. Puis on va revenir après une petite pause musicale une petite pause musicale avec M. Témis. Pour l'instant, on va écouter Le Pyromane. C'est une petite chanson assez courte du Grand Zazou qui était passé ici à l'émission dernièrement. On vous rappelle son spectacle vendredi 18 mai 2006. C'est cette année, hein? Vendredi 18 mai 2007 au cabaret juste du musée Juste pour Rire. Voilà, donc on va écouter Le Pyromane. Merci, Monsieur Témis. C'est un cuisinier, ça? Le Pyromane? Peut-être, on va voir comment il travaille ça. Quand c'est noir, c'est cuit. Quand c'est noir, c'est cuit, il y a la réplique. Bon, on revient à 70%. Il y a la réplique. Il me faut, c'est une étincelle pour enfin mettre le feu quelque part. Une beauté engagée, mais pas trop fidèle, à qui je pourrais démontrer mon art. Loin d'être un salaud, je suis un bienfaiteur. Je deviens un phare quand il se fait tard. Je me sers d'artifice, feu sans loi ni sans peur, mais je garantis d'éloigner le cafard. Embraser les cœurs, c'est ça le bonheur, un feu de paille vaut mieux que vu déjà. Je suis un pasteur, pyromane à mes heures, je soigne mes ouailles de l'amour qu'elles n'ont pas. Soyez sténo, avocate ou bergère, que vous soyez d'ivoire ou bien d'ébène, je cause des incendies dans des foyers exemplaires. Protégez-vous des combustions soudaines. Surveillez la fumée, car tout peut arriver. Mon fléau n'inspire jamais la méfiance. Il n'y a pas de pompier pour venir vous sauver. Contre moi n'existe pas d'assurance. S'il existe morale dans cette histoire amorale, c'est qu'il ne faut jamais fumer au lit. Éteignez la la flamme si elle semble anormale. Sécurité d'abord de feu nini. Restez bien sage, ne soyez pas volage, et rien ne vous arrivera jamais. Par contre, un petit feu fait briller les yeux, mais les pyromanes sont vraiment dangereux. Salut, c'est Michel. Quand je suis au Sénégal et que je pense à ce que j'ai fait de plus cool ces dernières années, c'est de passer d'écouter 70% le meilleur show de Choc FM, la radio de l'UQAM. C'est au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Demain je serai parti. La gare, Dakar, Bamako, Mopti, y'a pas de problème. Tout va bien, aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amour, solo, Gao, l'Algérie. Ce soir, ce qu'on va vous faire, je vais vous faire une entrée de chayotte. C'est ce légume ici. On la partir. Oh là là. De crabe ou de poulet. Ceux qui craignent de grossir. Oh là là. Donc qu'à me regarder, hein. Pas pire. Moi, je ne me trouve pas si pire. Pour un chef cuisinier. Et vous savez ce que je mange? On est de retour en studio. Simon-Pierre Bilodeau, intervieweur expert. Shoot! Oui, tout à fait. J'ai plusieurs questions. Donc, 35 ans que vous êtes arrivé à Montréal. Oui. On va entendre une pièce tout à l'heure qui s'intitule Montréal. Et je voulais vous demander pourquoi Montréal? Pourquoi est-ce que vous avez quitté Madagascar sans passer par la France pour venir ici? Est-ce que notre cuisine avait tant besoin de rafraîchissement et de s'ouvrir? Oh, c'est dit, ouais, c'était une demande du Québec qui cherchait un grand chef. Ah, oh, ben, quoi. En fait, c'est vraiment, tu sais, c'est à moi. Des fois, je suis comme. Je sais pas comment dire ça. Est-ce qu'on peut dire résigné, pas résigné, mais j'ai jamais pensé venir au Québec. Ok. Je connaissais même pas où c'était. J'avais 18 ans. Mm-hmm. Il y avait un concours à Madagascar. Donc, moi, suite au conseil de mes amis, qui me disaient, va suivre une école hôtelière. Je n'ai pas d'école hôtelière à Madagascar. Donc, j'ai fait un apprentissage dans un Hilton. OK. Dans un Hilton à Madagascar. J'ai commencé comme apprenti, là, éplucher des patates et tout ça. Puis, il y avait un concours du meilleur apprenti dans l'île. Et le premier prix de ce concours-là, c'était une école hôtelière au choix. Bah, au choix. On avait le choix entre le lycée technique de Paris et l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec. Et devinez qui a gagné. J'ai une idée. Eh bien, celui qui a gagné, il a choisi Montréal. Bon choix. De toute l'île, hein, c'est quand même une population, Madagascar environ. Population, c'est 19 millions. 19 millions. Je pense, ouais. Oh boy, et puis on a le meilleur de bobos. Ça, là, il faut être lucky en bon français. Et bon. écoute, Tommy, j'ai quand même des stats ici que je suis en train de retrouver au sujet de M. Témis. Savais-tu qu'il est déjà allé au Late Show avec Jay Leno et que 50 millions de personnes dans plus de 20 pays ont vu Témis préparer un menu qui n'a pas manqué de les impressionner? C'est quoi que tu avais fait, Témis? Oui, monsieur. C'est ce que tu leur avais cuisiné? Des bébites. Des bébites? Des insectes? Des bébites. Parce que c'est porte-parole aussi de croque-insectes. Bon, à cette époque, bon, à l'époque où j'étais à... Ça fait, quand l'événement croque-insectes au stade au jardin botanique a eu lieu. J'étais le premier chef à développer des recettes pour que les gens dégustent. Puis ça faisait 7 ans que j'avais fait ça. Puis à un moment donné, j'ai décidé de mettre toutes mes recettes dans un livre. J'ai écrit un livre sur les bibites qui s'appelle Des insectes à croquer aux éditions de l'Homme, un livre extraordinaire qui fait parler le monde. Et ce livre-là, ça m'a fait voyager. Donc, j'ai fait GNO, j'étais à Paris, j'ai eu des radios en Angleterre, au Brésil, au Mexique. C'est fou pareil, là. Ouais. J'aurais écrit un livre sur le foie gras, il n'y aurait même pas personne qui m'aurait appelé. Ouais, mais c'est plutôt particulier. Il ne doit pas en avoir beaucoup, hein, de livres sur la cuisine d'insectes. Non, et puis ça fait des petits... Donc, j'ai été interviewé par des anglophones. Mm-hmm. Des émissions américaines qui sont venues ici pour mettre. Et là, il y a une recherchiste à GNO qui m'a vu sur une des émissions, puis elle a dit: Hey, this guy ça must be good. Tout à fait. We need this guy. Tout à fait. Fait que quand les recherchistes m'ont appelé de Los Angeles, je pensais que c'était une joke, tu sais. Ouais, arrête de niaiser. Je pensais que c'était, comment il s'appelle, le Béliveau, là, celui qui fait surprise. Geno from Los Angeles. Je dis, hey, ouais, Loisel, arrête de niaiser. Je sais que c'est toi, là. Je dis, excuse me. Là, je pensais que c'était sérieux. Alors finalement, ouais, c'était vraiment le fun. C'était une belle, belle et puis, aventure. Est-ce qu'il a goûté au mets résultant? Est-ce qu'il a mangé des fourmis? Non, il est jeté par-dessus son épaule, le tabarnak. Non. Il a traversé l'Amérique du Nord pour aller préparer un lunch, puis l'autre là-bas était trop important. Hein? Mais on a eu du fun. J'espère bien, ça valait le détour, en tout cas. Moi, je meurs d'envie, je brûle d'envie. Témis, c'est lesquels les meilleurs insectes à manger? C'est tout différent. Pas les araignées, toujours, ça se peut pas. Ça, bon, ça, d'abord, pas. Ça c'est impossible. Une araignée, il y en a qui mangent les œufs, mais c'est pas un insecte, ça. Mais il y en a qui mangent dans les forêts tropicales. Il y a des grosses araignées qu'on récupère juste les œufs puis qu'on fait cuire. Mais les œufs de fourmis, apparemment, que c'est super bon. Grillés avec du beurre, ça goûte comme des crevettes. Ah, les fourmis même, c'est bon. Ah ouais? Il y a des grosses fourmis, il y a des fourmis à gros cul qu'on appelle, qui est très sucrées. Ah, c'est bien. Ils font comme du miel, donc là, ils ont la poche qui est pleine de miel. Des sauterelles au chocolat? Des sauterelles au chocolat, c'est un classique, là. Ah ouais? Ouais. Mais il y a des bonnes affaires. Il y a des phasmes, il y a... Des phasmes? Des phasmes, c'est un insecte qui ressemble à un prédiel, là. Il suffit de mettre du sel dessus, puis on le mange. C'est ça. dont le goût ressemble au prédiel, disons. C'est particulier. C'est pas mal. Bon, on feuilletera le livre et puis on... Je t'inviterai à manger, Tony. Ça marche. J'ai une toune sur mon album. On a des larves, des fourmis et des gueules. Ah ouais? Moi, j'aime bien celle au sujet où est passé le poulet, c'est ça? Où est le poulet? Ouais, celle-là est pas mal. C'est très pédagogique. J'espère qu'on va l'avoir tantôt live en studio. Ça serait de toute beauté. En plus, on prend mon band. Parce que mais là, mon band, je l'ai pas. Il joue avec Sting, là. Fait que... Il est en tournée, c'est bon. Ils reviennent avec Police. Ouais, c'est vrai. Ils se sont reformés. Ouais, c'est ça. Fait. J'ai mes billets, moi. Tout à fait. Ben, est-ce qu'on va écouter ça, cette chanson-là, ouais, de Montréal? On écoute ça. Est-ce qu'on a une petite intro de la part du compositeur? J'ai tes invités à un grand buffet. J'avais le goût de manger du poulet. Et voilà, bon, bah écoutez, celle-là ici s'appelle D'Antananarivo à Montréal. Yeah. D'Antananarivo, c'est la capitale, Madagascar. Et puis c'est pédagogique comme émission, on n'arrête pas. Ben, le disque est pédagogique. À fond, que tout le monde va l'acheter, gargez-vous, j'ai renombré. Tout à fait. Album heuristiquement fécond. Ouh, on écoute la première chanson de l'album heuristiquement fécond. On vous revient à 70%. C'est cool. Témis, t'aimes-tu ça, Montréal? Si j'aime Montréal, j'adore Montréal. D'Antananarivo à Montréal, c'est pas du froid que je m'inquiétais, mais de manquer de saveur tropicale. Car les épices, c'est bon pour le moral. Mais Dieu merci, y a tout à Montréal. Mangue, manioc, chayotte s'achète à la nuit comme des carottes. Et à 10 ou 20 degrés sous zéro, on peut manger des noix avec le pot. Pourquoi il fait bon vivre à Montréal? Madagascar, le pays du poivre vert, qu'on débarque à Montréal, métropole de l'hiver. On a toutes les raisons de croire que la bonne bourse est finie, mais il y a toujours un endroit quelque part qui me rappelle mon pays. Saveur internationale, vous serez plus que servi à Montréal. Cuisine d'Europe, d'Afrique ou américaine, de Madagascar, de l'île Maurice ou haïtienne, chinois, russe, créole, fréquent tous la même école. Comme pour manger, il faut se parler, y a toujours une langue pour communiquer. De ninja américain, il combat comme un tigre. Cet homme sera un tigre. Seule la haine l'inspirera. Sera un tigre. Seule la haine l'inspirera. Ces symboles vous montreront l'ultime pouvoir de volonté. Cobra Dera. Le Cobra Dera. C'est la magie du ninja. Intonjitsu. Car en voyant l'invisible, tu frapperas de paralysie tes ennemis. Quelle douce série de belles séquences. Vous venez d'encaisser de l'audio tiré d'American Ninja 2, le deuxième volet de cette série de films de ninja des années 80 qui raconte les aventures de Joe le Ninja. C'est vraiment Joe le Ninja. Et puis dans le générique, à la fin, il est écrit Joe the Ninja. Et puis donc, c'est ça, on suit les aventures de Joe le Ninja qui se doit, en tant que membre de l'armée américaine, des meilleurs, d'aller sur une île où il y a des problèmes et puis de tuer plein de monde pendant un film d'une heure et demie qui n'a jamais vraiment, vraiment de bon sens. Vous venez d'entendre une couple de séquences qui, soulignait le manque de quotient de l'ensemble audiovisuel. C'est quoi? C'était neurasthénique, c'est ça? Heuristiquement. Heuristiquement, hey, voyons donc, bien sûr, le mot qu'il a dit juste avant de passer en chanson. Vas-y, Simon. De toute façon, je vais reparler un petit peu d'American Ninja 2 tantôt. Parfait. Timis, tantôt, on a parlé de gastronomie, malgache, de votre arrivée au Québec. Selon vous, est-ce qu'elle existe et de quoi serait composée la gastronomie québécoise et canadienne? québécoise et canadienne. Alors, je vais plutôt parler du Québec. Québécoise, elle est... Bon, c'est les premiers arrivants qui ont laissé leur cuisine. Hein, mm-hmm. Donc, il y a eu des vieilles cuisines françaises, une vieille cuisine anglaise, une cuisine amérindienne. Et puis, bon, c'était pas mal ça très, très, très longtemps, les bœufs bourguignons, les boulettes, les tourtières, les cipates et tout ça. Et puis, bon, quelques banniques, quelques pains indiens, puis bon, tout ce qui est tarte, kidney pies, toutes ces bébelles-là. Mais je dirais que depuis 67, il y a eu un gros revirement. Avec l'Expo ? Avec l'Expo. Mm-hmm. Depuis 67, il y a... La gastronomie a explosé et ben maintenant ben je suis plutôt Montréalais hein, je veux dire, j'ai l'impression que quand même que Montréal c'est spécial, c'est un pays tout dans un autre pays, et dans la cuisine montréalaise parce qu'on peut la définir comme ça, c'est elle est très éclectique. Hein, moi aussi, j'en sors des mots comme ça. Ouais. C'est pas mal. On va prendre tout ce qui est le meilleur des cuisines ethniques, que ce soit libanaise, vietnamienne, chinoise ou tout ça. On prend le meilleur de ces cuisines et on la fait nôtre. Hein. Et on peut se permettre cette gymnastique-là parce qu'on n'a pas un passé gastronomique aussi vieux que les anciens continents. Mm-hmm. Et ça nous permet donc d'avoir une cuisine unique. Mm-hmm. Quand il y a des concours maintenant, là, des concours internationaux, parce qu'il y a des concours et il y a des compétitions culinaires, comme des olympiades de sportifs, là, il y a des olympiades culinaires. Puis c'est pas rare que le Québec ou le Canada finissent 3e, 2e, 1er même, il y a 4-5 ans, ouais, devant la France, la Suisse, l'Allemagne. Ouais, ouais, puis je crois qu'il y a une demoiselle qui faisait des pâtisseries de chocolat, entre autres, ouais, qui a gagné un concours international récemment. C'est tout le temps comme ça. Depuis, je dirais, depuis une quinzaine d'années, là, il y a toujours un de nos cuisiniers qui se distingue sur une scène internationale. Et ça, c'est drôle à dire, mais les vieux pays essaient de revenir maintenant, là, et reprendre un peu... Leur podium. Mais de ce côté-là, on a pris beaucoup d'avance. On travaille avec des mini-légumes, ça c'est nouveau. Et ça fait longtemps qu'on travaille. Là, il y a à peine 2 ou 3 ans, ça arrive en France, on parle de micro-légumes. Micro-légumes. Ça, c'est pour faire plaisir à Ned Flanders. Il ne mange aucun légume de plus de 2 pouces. Ça me met mal à l'aise. Moi, on parlait de Montréal, vous aimez Montréal. Quel est le secret le mieux gardé de Montréal? Le secret le mieux gardé de Montréal. Ah, sacrifice. Oh, oh. Oh, voilà le bruit fatigant parce que Jean-Louis Témis a amené son bruit stressant et le voilà. Ça, quand ça sonne à 6 heures du matin, je veux tuer le monde entier. Bon, puis, D'ailleurs, je vais l'arrêter parce que j'en peux plus. En tout cas, bravo pour l'originalité. Il faut dire que oui, ça tapait ses nerfs. Ouais, c'est un extra audio douteux. J'espère que Gérald Larose nous écoute en ce moment. J'essaie de lui envoyer des exemples de qu'est-ce qu'il pourrait amener de douteux. Ben, c'est un exemple. Ça n'est un beau, ça. Mais le secret de Montréal, je sais pas, que c'est peut-être le secret de la recette de la route bière. La bière d'épinette, la bière d'épinette, Peut-être pas au niveau des recettes. Peut-être pas au niveau des recettes, mais au niveau des établissements. Des établissements. Oui. Un petit restaurant comme ça. Dedans. Le Dragon Rouge, c'est bien. Dans le Dragon Rouge. Ben oui. Ouais, ouais, peut-être. Ouais, la maison hantée. Ah oui? Ah, mais qui est pas loin. Moi, je me rappelle plus. C'est pas loin d'ici. Ouais, c'est pas très loin. La Gaultière, ça se peut. Ouais, c'est ça. OK. Et, mais qu'est-ce qu'on y mange à la maison hantée? Bon, je sais pas, j'ai jamais été, c'est tellement secret. Je pense que ça serait parfait, ça, pour faire des dégustations d'insectes ou des choses comme ça à la maison. Probablement. mais il y a, dans le style snack, là, un des adresses secrets, mais qui reste très montréalais depuis, je pense, une soixantaine d'années, c'est chez Monsieur Bertrand. C'est Monsieur où, ça? Bertrand. C'est sur Notre-Dame, au coin de la montagne. Okay. C'est un petit restaurant. Très underground, il n'y a pas une chaise pareille, il n'y a pas une table pareille, mais c'est bon là-dedans, là, les hot dogs et puis les frites, là, sont gras, ça, okay. Parfait, à merveille. C'est un snack, vous, et pas... ils ont de la bière d'épinette et... Non, sérieux, tu sais, la bouteille que tu ramènes, là, que les gens achètent, puis la ramènent... Elles sont usées, c'est tellement charmant. Ah, okay. Boy! Ouais. OK, avez-vous une dent contre la malbouffe ou non? Vous m'avez parlé de... Là, vous parlez de frites bien grasses, tantôt. Mm. Hors d'onde, vous m'avez avoué, vous êtes déjà allé chez McDonald's, manger un Big Mac, changer de mal de place. J'aime les frites, je l'avoue, là. Un petit Big Mac de temps en temps, ouais. Ben, tous les jours, c'est sûr que c'est... Mm-hmm. Mais j'avoue, je vais chez McDo, je mangeais une petite frite, puis un petit... Ben, vive la variété, hein. Oui, ça prend de la variété, ben, ça permet d'apprécier ce qu'on a, hein. C'est en plein ça. Hey, je vais reprendre encore le contrôle. De toute façon, Jean-Louis, tu vas te préparer avec ta guitare. Tu vas nous jouer la fin des poules. Ouais. Ah, ben oui, il a parlé ça pour rien. Ouais. Là, pour l'instant, on va écouter la toune un petit peu bizarre de la semaine. C'est le toune thème de Spectreman. En français, j'ai fait ça pour toi, Simon. Tu sais, c'est la toune bizarre de la semaine? Ben, c'est assez bizarre, je pense. Hein? Je l'adore, Spectreman. Oh, vous connaissez Spectreman? Non. Super-héros japonais, il détruisait des monstres gros comme des buildings. Ouais, là. Okay. Ben, on va écouter le thème, puis préparez votre guitare parce que ça va être à ton tour. Malades de toutes sortes pourraient être guéris, et où des vermines comme vous deviendraient de bons citoyens. Mais vous m'avez corrompu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as su dès le début ce que nous voulions créer ici. Tu l'as voulu. Vous avez détruit tout ce que j'espérais faire. Alors c'est à moi de détruire maintenant. Arrête! Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est une sorte de secte japonaise qui est raffinée dans l'art d'assassiner. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils foutent ici, ces assassins japonais? Ils sont en vacances. À mon avis, ils voulaient nous kidnapper, commandant. Oh, oh, oh, oh, oh. Et pourquoi ils voudraient choper des couillons comme vous deux, hein? Ça suffit, sergent. Emmenez-moi ces trois hommes dehors et pas un mot de tout ça où je vous fais fusiller. Est-ce que c'est clair? Voyons, commandant. Le si ridicule de ma vie. Est-ce que vous prétendez que mes quatre hommes ont été kidnappés par des ninjas? Oui, commandant. Pourquoi? Ils travaillent pour les Russes ou les Libyens? On n'a aucune idée, commandant. Connerie. Faudra que j'en parle à l'ambassadeur. Oui, je suis le seul qui... Oh, connard, hein? Hein? Ah, c'est ça, avec ta patte, salopard. Vas-y. C'est sérieux, c'est pas un jeu. Ces types sont des ninjas. C'est là qu'on apprend des choses. Et une chose qu'on a apprise, c'était de se rendre compte que pour tout avoir, il fallait contrôler la source. Alors, c'est pour ça qu'on est allé dans la jungle. On a pris les plantations et les usines, et on a fini par construire le plus grand empire de drogue que le monde ait jamais vu. Un moyen efficace de protéger nos investissements. Alors, un moyen efficace de protéger nos investissements. Bon, ben, suite à cette grosse dose de n'importe quoi, là, on va mettre un petit peu de Chopin en background. Allumer les micros. Donc, c'était la fin des extraits d'American Ninja 2. Vous avez entendu deux fois Steve James, qui joue le rôle du gros noir invincible, qui demande aux gens de lui taper dessus pour cause de masochisme, je sais pas trop. American Ninja 2, un film de 1987, bien sûr, auquel on a donné moins 8.5 pour la quantité incroyable de ninjas qui décèdent. Le montage qui est vraiment à souligner, le meilleur définitivement de la série des American Ninja. Mais en fait, suivre les aventures de Joe le Ninja, c'est de toute beauté. Puis aussi, c'est le dernier American Ninja que dans lequel Michael Dudikoff tient la tête d'affiche. Après ça, il passe le flambeau à David Bradley, qui est pas mal tout aussi mauvais, là, mais on perd l'essence. Mais moins 8.5 sur 10, c'est quand même toute une note. Fait que c'est largement pourri pour que ce soit extrêmement intéressant. Ah, oui. C'est sûr qu'on va le visionner ici un soir. Oui, c'est ça. C'est de la très, très bonne note. Tu l'as évidemment en VHS à la maison. J'ai malheureusement pas le VHS, mais je l'ai vu plusieurs fois. Et puis, c'est pas le genre de film qui va être difficile à trouver. Les films de Sam Fistenberg, le réalisateur, sont des films assez connus qui vont être réédités en DVD. Super. On va l'acheter. Ouais, c'est ça. Donc, Jean-Louis Témis, t'as sorti ta guitare? Ah ouais, je suis prêt. T'es prêt, puis t'es chargé à bloc? Oh, coton, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va fermer Chopin premièrement. OK. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Ben là, je sais plus, là, je suis déchiré entre Quand c'est noir, c'est cuit, qui est mon hit. OK. Et puis le poulet, à votre demande générale. Moi j'adore ça, je l'adore celle-là. Le poulet? Oui. Ouais, bon, alors, à la demande générale des animateurs de cette station de radio, je vais faire le poulet. Excellent. 1, 2, 3. J'étais invité à un grand buffet. J'avais le goût de manger, du poulet. Où est le poulet? Je veux du poulet. Sur le buffet, il y avait de la salade, il y avait des marinades, il y avait des gros, je me rappelle plus. J'avais beau regarder partout de tous les côtés. Oh, oh, là, là, là, là, toujours pas de poulet. Où est le poulet? Je veux du poulet. Et maintenant, c'est les poules qui dansent. Pam, pam, aidez-moi. Wah, pa, pa. Wah, pa, pa. Wah, pa, pa. Wah, pa, pa. Wah, pa, pa. Wah, pa, pa. Wah, pa, pa. Wah, pa, pa. Wah, pa, pa. Wah, pa, pa. J'étais désespéré. Je voulais m'en aller. Quand j'ai entendu crier. Voilà ton poulet. Où est le poulet? Je veux ce poulet, je veux du poulet. Oh. Yeah. All right. Excusez-la. C'est excellent. Excellent. Excellent. Et puis, est-ce qu'il y a un épilogue? Est-ce qu'il a trouvé le poulet, finalement? Ben, le poulet, finalement, ils ont trouvé le poulet, puis je l'ai mangé. Ah, oh, ben, c'est ça que ça sert. Hein? Oh. Parce qu'après, c'est pédagogique, ça. Oui. Puis, quand il est bien cuit, parce que c'est pour mes élèves, ça. Ah, okay. Et quand il est bien cuit, à plus de 80 degrés, les salmonelles sont détruites. On peut en manger sans danger. Ah, oh, c'est bon. Manger du poulet, goûter du poulet, manger du bon poulet. Cette chanson a été commanditée par ça, Dubin. Pas mal. Hey, peut-être que pas Jean-Louis, mal, t'as une... ah, ben, premièrement, bravo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une belle performance live comme ça en studio. Deuxièmement, est-ce que t'as une hypothèse de pourquoi tous les poulets sur les affiches de restaurants de poulet sont contents? Parce qu'elles vont se faire manger. Ils sont contents. Ils ont dit mission accomplie, ouais. Ils vont nous manger. Ouais, c'est ça. On les a attirés. On n'est pas venu pour rien. Yeah. Hey, puis sinon, je lâche la bombe. Est-ce que tu joues à Magic? À Magic? Ouais. Non. Ah. Ben, Simon, question. Ok. Cuisine sans frontières. Ok, t'es porte-parole de fondateur? Fondateur. De Cuisiniers sans frontières. Quelle est la mission de Cuisiniers sans frontières? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Cuisiniers sans frontières a comme mission de faire de la réinsertion sociale par les métiers culinaires. Ok. Dans les pays exploités. Ok. Moi, tiers monde, là, c'est un euphémisme. Ces pays-là sont de la misère parce qu'ils sont exploités. Et alors, on va dans les rues, on va dans la rue. On voit les gens qui quittent, des gens qui semblent être pauvres là. Je vais les voir, je leur demande s'ils veulent un métier, s'ils veulent s'en sortir. S'ils disent oui, on les prend pendant 4 mois, on les forme, on leur donne un tout petit peu d'argent, on leur donne à peu près $1 par jour, 75 sous par jour, et qui est pas mal pour là-bas. Quand je dis là-bas, parce qu'on a fait, on a déjà vécu une première expérience à Madagascar. Okay. Et là, sur les, on a formé 18 personnes il y a. C'est ça, du mois de juin au mois de décembre 2006. Et sur ces 18, il y en a 14 qui travaillent vraiment. Ah oui? Ouais, ouais. Ah, c'est bien, c'est un excellent taux. Oui. Et là, je retourne le 20 juin pour reformer une autre cohorte. Puis il y a des bénévoles qui m'aident. Il y a un ami qui enseigne à l'institut aussi, qui est professeur, qui vient sur son temps. Okay. Il prend une session sans solde et puis on va faire ça. Et pour financer ça, il y a l'album. Voilà, il y a l'album. Fait des soirées aussi. Voilà, et c'est là où le bas blesse. C'est que ça prend des sous pour faire ces choses. On est financé par on n'a rien, aucun financement ni gouvernemental ni quoi que ce soit. Donc on vend des t-shirts, on vend des tabliers avec le logo de Cuisiniers sans frontières. Là, il y a une loterie là qu'on organise. On vend des billets. Vous pouvez trouver le moyen d'en avoir en allant sur notre site web. Oui. Qui est cuisiniersansfrontieres.org. Alors tout en même temps, cuisinier avec un S. Donc le S de sans frontières est collé à celui-là. Et sans frontières avec un S aussi. .org. Okay. Donc, vous allez avoir, si vous voulez nous faire des dons, on peut passer par le site. Si vous voulez des tabliers, des t-shirts, vous passez par le site. Et on a un souper. Ça m'en prend un tablier, mais oui, le souper. Le souper, vas-y. C'est le 26 mai. On le fait à l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec. Et ça, c'est comme ça qu'on se finance aussi. Voilà quoi. Et moi, je vous le dis, à l'Institut du tourisme là, et d'hôtellerie, parce que j'ai un contrat là-bas, on mange très bien. Mais moi, ça me tente d'aller à ce souper-là. Quand ça coûte combien? Est-ce qu'il faut acheter les billets à la porte? Est-ce qu'il faut acheter des billets à l'avance? Non, il faut réserver. OK. C'est $150. Oh. Par personne? Par personne. On mange bien. Ah ben oui, il y a le vin, il y a le punch. Et on vous remet comment on appelle ça, un reçu d'impôt. Là. Ah, OK. Ouais, okay. Quand même. Pour, payer parfait. L'impôt, c'est pas mal. Oui, c'est magnifique. Puis nous, ça nous permet de sortir un peu les gens de la rue parce qu'il faut acheter la bouffe, il faut les habiller. Ben 14 sur 18 qui se sont trouvés un emploi en un voyage de formation, c'est quand même assez noble et beau. Là, ça doit aider à dormir mieux le matin, le soir. C'est clair, puis c'est tellement gratifiant. Hein. On changera pas le monde, mais c'est tellement gratifiant d'aider les gens. Et puis, il n'y a pas que des cuisiniers qui sont impliqués dans ce bénévolat. On a des ingénieurs, on a des secrétaires à l'institut, il y a des étudiants. Donc, chacun met un peu son grain de sel pour faire ça. Le prochain voyage que vous allez faire, vous allez où? Là, on a des demandes. C'est drôle, hein, comment le monde est petit. On a des demandes au Bénin. C'est des gens qui ont vu notre site web, sûrement. On a une demande au Bénin. Ça serait où, à Cotonou? Pardon, je sais pas du tout encore où, mais ils ont écrit que ils trouvent l'idée très bonne et puis qu'il y aurait possibilité que qu'ils nous accueillent au Bénin, qu'ils pourraient trouver un local et de ça pour partir la chose. Au Kenya, on a une demande, au Burkina Faso aussi. Mais là, vu qu'on a commencé à Madagascar, on va peaufiner d'abord ce qu'on a fait là-bas. On voudrait créer une gastronocratie. Oh, ben c'est hein? beau ce mot-là. Même Simon, c'est pas quoi répondre. Moi, je réponds que la capitale du Burkina Faso, c'est Ouagadougou, je le sais. C'est fort. Ah ouais, ok. Non, j'ai une toune sur Ouagadougou là aussi. Là. Ouais, ça se voit. On est tous fous du foutou. On est tous fous du foutou. Mais ce qui est bien, en fait, avec la radio web comme ici, c'est que peu importe où sont les gens, ils peuvent écouter. Enfin, que des gens de la francophonie, on a des Maliens, on a-tu des Burkinabés, on y a un Camerounais qui est venu ici, des Sénégalais qui sont passés par ici. On a eu des Libanais aussi. On a eu un Turc. Oui, des gens de l'île Maurice. Alors, peu importe où sont vos auditeurs, s'ils veulent nous aider, ils peuvent nous aider. Voilà, par le site Internet. Soit nous recevons, soit nous envoyons des sous. Cuisiniersansfrontières.com. Voilà. Point org. Oh, pardon pour ça. Hey, moi, je vais reprendre encore le contrôle des ondes pour une petite toune de 2 minutes, puis après ça, on va revenir pour... est-ce qu'on a un comic de la semaine? On n'a pas de comic de la semaine, mais j'ai au moins une question que j'aimerais encore poser. Ben, c'est sûr et certain qu'on va avoir encore le temps. On vous revient pour le dernier bloc à 70%. On va écouter cette fois-là Goldfinger, une toune sur Wayne Gretzky. Vous allez voir, écoutez les paroles. C'est cocasse. Wayne Gretzky, the only man I'd have sex with. Wayne Gretzky, I'd be intimate with. Wayne Gretzky, I think he's kinda sexy. Wayne Gretzky, I wonder what he looks like naked. I wonder what it would be like to have sex with the great one. I wonder what it would be like to have sex with the league's leading scorer, Wayne Gretzky. I know he's a married man, but maybe he'd be attracted to me. Darren Pfeiffer, stupid American boy. Wayne Gretzky, very handsome Canadian man. I wonder what it would be like to have sex with the great one. I wonder what it would be like to have sex with the league's leading scorer. Yeah, I wonder what it'd be like. It'll never happen. It's a pipe dream. Wait a minute. I'm not even gay. I'm married. Whatever. Wayne Gretzky, I love you, Wayne Gretzky. Yeah. Ici Guy Nantel, la sympathique équipe de 70% est présentement en vacances, alors vous écoutez l'équipe B de 70% à choc. FM, UQAM, FM. All right. Témis? Oui? J'ai des questions. On n'a pas beaucoup de temps, par contre. Ah ouais, mon Simon. Alors, pas beaucoup de développement. Je vais faire ça vite. Vous recevez l'être aimé, mais l'accouplement n'est pas encore consommé. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle aime. Que préparez-vous? Je sais pas. Des crevettes au coco. Pour vrai? Ouais. Quelle bonne idée. C'est une bonne idée. Ah ben, vous êtes déjà passé dans Playboy? Ben oui. Oh. Mais il cherchait un chef sexy. Ils sont allés jusqu'à Madagascar. Pour le trouver. Non, mais ils étaient ici, ça. Ils ont fait quand même une audition. Hein. Il y a 1000 chefs qui sont passés. Sur les 1000. Qui est-ce qu'ils ont retenu? Et voilà. Des hommes de goût. Parfait. C'est la saison des barbecues qui arrive à grands pas. Hein. En effet, c'est presque l'été. Quelles sont vos recommandations? Côte levée. Côte levée? Côte levée de porc. De porc? Mmh. Avec une petite sauce piquante au tamarin. Parfait. Et vous donnez des ateliers. Des recettes sur mon site hein, personnel. Hein, on peut en trouver. Oui, jltemis.org. Voilà. Voilà. jltemis.org. Temis, ça prend un H, T-H-E-M-I-S. Voilà. De toute façon, vous googlez ça et vous trouvez ça. Temis, vous donnez des ateliers sur la mécanique du goût. C'est quoi la mécanique du goût? C'est de comprendre un peu les assaisonnements. Il y a toute la sémantique de la cuisine. Mm-hmm. Assaisonnement, c'est qu'est-ce qu'un assaisonnement? C'est quoi un condiment? C'est quoi. La mécanique du salé, sucré, acide, amer, mm-hmm. Tout ça. Et c'est de comprendre. Et à partir d'un atelier comme ça, c'est plus facile d'assaisonner. Okay. On comprend la différence. OK. Voilà. Très bien. Mm-hmm. Est-ce que j'ai d'autres, est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que j'ai mon âge, 24 ans. Okay. Et à Montréal, si depuis 35 ans. Je suis ans. Très riche. Okay. Si je cherche une femme, oui, absolument. Plusieurs. Je pose des questions pour toi. Hey, il est pratique, oui. Lui. Oui, très bien. Alors, le plat le plus excentrique que vous avez mangé ou préparé? À part les insectes, là, que j'ai préparé ou que j'ai mangé? Mm-hmm. Manger? Des chauves-souris. Ah ouais? Ouais. Mmh. C'est une question qui n'est pas posée. À Madagascar, il y avait un restaurant qui se. D'ailleurs, je voudrais faire une émission avec ces gens-là. C'est un restaurant, ils font que de la chauve-souris et du hérisson. That's it. J'ai déjà vu ça dans Pilot Guides, en effet. Ouais, mais ça, c'était en Micronésie, je crois, ou en Polynésie qui bouffait ça. Les ailes de chauve-souris, monsieur, c'est pas des ailes de poulet. Ah non, c'est pas. Ah oui, il doit c'est avoir. C'est Batman qui sort de là, t'as. Bon. Je jure. Hey, ben, c'est, on a bien fait ça. On est vraiment bon, hein? Tout à fait. Peut-être rappeler la date du souper. Il faut appeler à l'ITHQ pour réserver pour le 26 mai le souper. Non, de... il faut aller sur le site web, mais je peux laisser. On est toujours en nombre. Bien sûr. Ok, alors vous pouvez appeler en faisant le 514-272-9488. 272-9488. Voilà, pour encourager un organisme qui vient d'aider 14 personnes sur 18. Moi, ça me fascine. Je veux dire, c'est un score d'autres. Quasi parfait. Et, là. Qui va en faire d'autres. Et puis là, le but, c'est d'en faire 100 en one shot. Moi, je souhaite que du succès à cette belle entreprise. Là, c'est bien que Dieu vous entende, mes amis. Il reste combien de temps, Tommy? Ben, on a encore, mettons, une minute. OK. Qu'est-ce que vous pensez de la cuisine moléculaire? J'ai hâte que cette mode-là disparaisse. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Pour qu'on revienne à des choses plus terre à terre. Mm-hmm. C'est tellement bon de manger un poulet en tenant l'os, ou bien de manger le poisson en taponnant dans les arêtes. La cuisine moléculaire. En fait, tout le monde, c'est une mode, mais mm-hmm. Dès qu'on fait de la cuisine, on joue avec les molécules. On fait bouillir de l'eau, c'est moléculaire. OK. Vous avez 15$ et moins, vous allez manger où? Chez Janou. C'est où ça? C'est un petit restaurant portugais qui se trouve sur la rue Saint-Laurent. Au coin de? Au coin de Duluth, je pense. Je pense que ouais, ça me fait bon, que ça, je passe devant. Côtelette d'agneau grillée, poulet grillé. Pour 15$, c'est le jackpot. Ah ouais? Mmh. Ouais, ouais. Parfait. Boy. C'est la dernière information pertinente d'aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on dit merci beaucoup à Jean-Louis Témis, en tout cas? Oui, merci tout le monde. Puis vous êtes le bienvenu. Quand ça tente, le mélange vouvoiement, tutoiement ici, il n'y a rien de trop beau. Parce que lui, tutoie tout le temps. Moi, je vous vois tout le temps. Mais c'est correct, c'est correct. Bon, ben, tant mieux comme ça. Fait que il y en a qui sont mieux du cake d'autre, hein? Ah, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il y en a qui sont mieux du cake d'autre. C'est bien bon, ben, dit. Les gars, c'était très sympathique. Voilà. Ouais, puis, ben, entre nous, on se retrouve la semaine prochaine à 70%. On devrait avoir Gérald Larose. Le 21 mai prochain, c'est malheureusement, c'est férié. Mais le 28, M. Larose a confirmé, il va être présent avec nous. Bon, ben, voilà. Vous l'avez eu en pleine face. C'était 70%. Merci d'avoir été avec nous. Puis à la prochaine. Merci, Simon. Un plaisir à chaque fois. Et j'aime bien dire aussi, je fais ce qu'il faut. Pour que j'aime le sommeil, je bouge jamais le portrait, je fais mes oreilles, je fais la danse du réveil. Je fais ce qu'il faut. Yo, Paul m'a pas joué à cachette, je pense que je me suis trompé de voix, de choses. Ça recommence. L'autre jour, je me présente à côté de l'honorable Jean Chrétien, et avec tout le respect et la douceur que peut renfermer un bon coup de poing sur la gueule, je lui demande tout doucement, comment t'appelles ça, mon homme, un premier ministre qui saute en bas du pont Roquartier et qui se casse le cou? Il dit, je sais pas comment t'appellerais ça, toi, mon homme. Il y a un bon débarras. Bonsoir Bob, ça va bien? Oui, ça va très bien. En forme, Bob? Ah, tu fais top shape, Power Rangers. Excellent. Alors, il n'a pas changé. Alors, Bob, d'après toi, c'est qui la personnalité artistique qui a le plus marqué le début des années 90? Ben moi, spontanément, de même, là, ouais. Je dirais, la plus grosse vedette de cette époque-là, là, c'est Nathalie Simard. Ben là, je sais pas si t'as passé un examen de la vue récemment, là, mais Nathalie Simard est pas mal plus grosse aujourd'hui. Ouais, ben pas mal moins vedette, fait que ça s'annule. T'sais. Ah, OK, OK. Tu l'avais rencontré, toi, hein? Ouais, c'est ça, à l'époque, elle avait sorti un frisbee, un disque. Oui, un disque, elle avait sorti un disque. Puis, tu sais, elle avait des nouvelles peignures, là, puis elle arrêtait pas de me parler. Mes cheveux. Elle arrêtera à 38, elle avait. Okay. Mes cheveux. 38. Bon. Fait que là, je m'excuse, s'il y a des gens qui ont le cœur sensible à la maison, vous êtes en train de manger quelque chose, là, mais il est obligé de vous montrer notre reportage entrevue avec moi et Nathalie Simard. On regarde ça. Salut. T'as quoi ton nom? Daniel Deschênes, Mario Trudel. Non, de fille.